Ton père semble se montrer coopératif. On va le retrouver très bientôt. Ça sera chouette pour toi, hein? Oui, mais ce sera encore plus chouette de le voir buter votre sale gueule. Tu te souviens, Sully? Je t'ai promis que je te tuerais le dernier. C'est vrai, Patrick, c'est ce que t'as dit. Je t'ai menti. T'as la trouille, mon salaud. Ben, tu devrais. Parce que le béret vert que t'as devant toi va te buter la gueule. J'avale deux bérets verts au petit déjeuner. Et justement, j'ai très faim. Et voilà, c'est effectivement 70%. Quelle autre émission pourrait vous offrir ici en décomposé des séquences audio tirées de Commando, l'excellent vieux film avec Arnold Schwarzenegger? On a un invité haut de gamme, mais encore une fois en studio. Simon, t'as fait des recherches cette semaine. Et puis, sur la volette, comme ça, à la dernière minute... Monsieur Philippe Schnob qui a décidé de nous accompagner. Tout à fait. Philippe Schnob qui est enfin un modèle pour moi. Vous savez, je suis l'acteur de Nouvelle ici. Ça fait vraiment plaisir de l'accueillir avec nous en studio. Il a accepté comme ça, à peu près à pied levé, pendant ses vacances. Il a même repoussé un voyage en vélo à Ottawa pour venir nous voir en studio. Ça a été l'excuse pour pas aller faire le voyage à vélo. Bon, ben, ça nous a fait plaisir. Bonne attitude. Alors. Ah ben ouais, peut-être qu'on va commencer par le début, hein, c'est-à-dire double-cliquer ici sur la toune thème qui fait notre renommée jusqu'au Liban. Tout et puis fait. Ça s'en vient. Moi aujourd'hui, en fait, j'ai des séquences d'un film qui s'appelle Le Phénix d'or, une production libano-canadienne avec Jalal Meri. Combien tu lui as donné sur moins 10? C'est un moins 6, mais il y a des bonnes séquences audio. Là. Parfait. C'est personnel, il n'obéit qu'à sa propre loi. C'est des beaux trademarks qu'on aime revoir valeurs. Comme ça. Oui, c'est super, ça. super. Puis toi, Simon, à part d'une entrevue menée de main de maître? J'ai toujours des... c'est sûr qu'on va avoir des questions assez fulgurantes, désopilantes, enrichissantes, divertissantes, enivrantes, etc. Et puis, on a quelques nouvelles. C'était quand même riche en nouvelles cette semaine. Alors, des nouvelles absurdes. J'en ai en masse. Et puis, c'est ça, on a quelques tunes qui ont de l'allure. On a un extrait de musique peu apprécié de la part de M. Schnob. Ben oui, ça fait longtemps. Du stock, ça fait plaisir. Un invité qui nous amène c'est de quoi. C'est, ben oui, c'est très gentil, merci. Là, vous m'avez demandé ce que j'aimais pas. Oui, j'ai pas cherché longtemps. Avez-vous amené Rufus? Ben oui, j'en ai amené le dernier disque. Puis Rufus t'aime bien ça. Ben oui, je me suis dit, comme j'aimais pas sa mère, ça me rachetait de bon choix. Voilà, c'est dit. Bon, ben, ouais, on va le laisser lui finir, là. Voilà, vous êtes donc... C'est Simon qui est en train de chanter. Qui? Lui, là-bas, qui est en train d'hurler. De... Bon, ben, comme premier tour de la journée, on va écouter Raoul and the King of Spain. Ça vient de Tears for Fears et de leur avant-dernier album, je pense. En tout cas, vous ferez vos recherches si jamais, parce que là, on écoute Raoul and the King of Spain puis on revient à 70% pour poser des questions à Philippe Schnob. Fait qu'elle n'est pas ailleurs. Bon. Thank you. La candidate conservatrice dans Hall Elmer a dévoilé ses priorités aujourd'hui lors d'une première rencontre avec la presse. Pierrette Bellefeuille souhaiterait la construction de logements à prix modique dans la circonscription et la réalisation du Rapibus. Elle promet également un meilleur développement touristique de l'Outaouais. Voici à ce sujet un extrait d'une entrevue que Pierrette de Bellefeuille a accordée à notre journaliste. Il faudrait travailler avec la CCN pour développer des projets touristiques. C'est ça. Comme quoi, par exemple? Bien. Comme quoi? Ben, des projets touristiques. Faudrait regarder à ça, là. Mais est-ce que vous y avez déjà pensé? Écoutez, je dois quitter, alors je vous remercie beaucoup, madame. Ici Guy Nantel, la sympathique équipe de 70% est présentement en vacances. Alors, vous écoutez l'équipe B de 70% à choc. FM, UQAM, FM. All right. C'est beau. Ouais, nous sommes de retour. Ça, c'est la députée conservatrice. La candidate. Ils n'ont pas voté pour. OK. Oui. Mais Philippe, tu viens d'Outaouais, toi? Oui. OK, dis-moi. Je suis parti de là à 18 ans, mais j'ai quand même fait une bonne partie de ma vie. OK. T'as quel âge en ce moment? Je vais avoir 43 là, dans quelques jours. Ah oui? T'es fait pas du tout? Ben, non, pas du tout. Faute. C'est la bicyclette? Ouais, c'est, sport, hein? C'est un problème d'ailleurs dans mon métier. Quoi? Parce que j'ai l'air d'avoir quel âge, tu sais. C'est moins crédible moins un petit 40 peu. Ans, moi, je dirais entre 35 et 40. Christiane Charette m'a invité il y a quelque temps, puis je lui fais part de ce que j'ai fait dans ma carrière. Puis elle dit attendez une minute, ça fonctionne pas, là, parce que là, vous avez quel âge? Puis là, je dis quel âge j'ai. Fait mon Dieu, je pensais que vous aviez 32 ans. Pour vrai? Alors, ouais. Ben... Elle avait. Mais donc. Physiquement, on a tendance à vouloir mettre en nombre des gens qui ont l'air d'avoir un gros vécu. Moi, j'en ai un, mais ça ne paraît pas encore. Ouais. Non, mais quand même, faites bien votre travail, on vous rassure. C'est pour ça que vous êtes ici, d'ailleurs. comment ça a commencé, justement, cette carrière-là? Ah, c'est un coup de hasard, en fait. J'ai jamais voulu faire ça. Ah non? Moi, j'ai toujours voulu le faire. Ben oui, je sais, puis c'est frustrant parce qu'il y a des gens qui étudient pendant des années pour devenir journaliste ou présentateur de nouvelles. Et moi, j'ai pas étudié dans ça et j'ai jamais voulu faire ça. En tout cas, pas à la base. À un moment donné, oui, j'ai commencé à aimer ça puis à me dire c'est ça que je veux faire. Mais j'ai étudié d'abord après le secondaire, j'ai étudié en théâtre à Sainte-Thérèse, au collège Lionel-Groulx pendant 3 ans. Et à la suite de ça, j'ai commencé à travailler tout en prenant des cours à l'université, ici à l'UQAM, notamment en histoire. Et ça m'a amené à travailler dans des stations de radio. M'a amené à faire un peu plus de micro. Éventuellement, je suis allé à Rimouski. Là, j'avais une émission le dimanche soir. Après ça, j'ai eu un poste à Radio-Canada à Regina en 86. OK. Là, j'animais l'émission du matin pendant... Ça fait 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça. 22 ans à peu près. 24. Ah, j'ai commencé à 20 ans, c'est pas compliqué. Ouais. Et à Regina, j'ai fait l'émission du matin. Ça n'a pas très bien fonctionné. J'avais pas nécessairement les... cherchait. Là. Est-ce que c'était en français, oui. Est-ce que ça trippe fort en français, Regina? Ben, Regina, c'est une ville qui est assez... Faut l'apprécier, hein? Faut l'apprivoiser. C'est la seule ville au monde où j'ai habité et que j'ai visité que je pouvais voir dans ma tête en me fermant les yeux. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Tu sais, Montréal, ferme les yeux, essaye de voir les frontières de Montréal, c'est trop grand. Regina... De mon balcon au 11e étage du centre-ville, je voyais la fin de la ville. Je voyais là où s'arrêtaient les lumières. Okay. Pas besoin d'être en avion. Oh boy. Regina, ça doit être ça encore aujourd'hui. C'est pas mal carré. C'est un carré de lumière quand on arrive en avion. Ouais. Mais de mon balcon au 11e, je voyais la fin du carré. Alors, je pouvais donc m'imaginer la ville dans ma tête. C'est une ville où... Bon, il y a des gens qui vivent là toute leur vie, qui sont très heureux, mais faut avoir un gros réseau social pour se trouver des choses à faire. Ce qui était le cas à Radio-Canada, parce que là-bas, tout évidemment, tous les francophones, on travaillait tous ensemble, puis on sortait ensemble le soir, puis on mangeait les uns chez les autres la fin de semaine. Donc, ça aidait beaucoup à vivre à travers tout ça. Moi, je travaillais le matin, donc je me levais à 3 heures. Okay. Ma vie sociale était peut-être un petit peu plus tranquille. Après ça, je suis allé travailler à Edmonton. Et là, j'ai commencé à faire du journalisme, puis là, j'ai fait le bulletin de nouvelles pendant 2 ans, et j'ai dit, j'aime ça faire ça, j'aime ça, je m'amuse. À la télévision? À la télé. J'aime ça parce que, pas pour passer à la télé, parce que ça vient de toute façon avec le métier, mais Parce que quand on fait ça, on est obligé de rester informé sur l'ensemble des sujets. Alors que quand on est journaliste, comme à l'Hôtel de Ville, comme je l'ai fait pendant 5 ans, ben là, j'étais très, très spécialiste de mon domaine à l'Hôtel de Ville, dans le municipal, mais tout ce qui se passait autour dans le monde, bon, c'était pas nécessairement la priorité, puis je passais pas autant de temps là-dessus. Okay. Alors que quand on est présentateur, ben, on lit pas les journaux de la même manière, on regarde pas les nouvelles des autres de la même façon, parce qu'il faut si on est comme une éponge, il faut comprendre tout ce qui se passe, parce que on lit des textes, là, on n'improvise pas, mais quand on les regarde dans l'après-midi, ben, des fois, il y a peut-être des petites nuances à apporter. Si on n'est pas au courant du dossier, on les verra pas, ces nuances à apporter, parce que ça fonctionne très vite. Les rédacteurs ont beaucoup de travail. Des fois, ça se fait trop vite, puis il y a des petites imprécisions. Mais c'est ça que ça permet de faire quand on est présentateur. Puis en plus, d'avoir un impact sur le bulletin, quand on va voir les journalistes pour dire, ben, ton topo, tu pourrais peut-être faire tel angle plutôt que tel autre. Ouais. Mais justement, ça m'amenait, j'ai une question là-dessus, je voulais savoir, c'est quand la fois que ça a été le plus difficile de ne pas rire en présentant le téléjournal? Ah, oh, bon, bonne question, ça. C'est une très bonne question, ça. Une fois, oui. Mais une fois, là, celle-là me revient. Moi, quand je m'amuse, quand je parle de la bactérie mangeuse de chair, quand j'en parle, je parle toujours pour rire de la mangeuse de chaise. OK. Ça me fait rire. C'est peut-être pas drôle, je vois que c'est pas drôle. Hein? Moi, ça me fait rire. Ben, j'appelle ça la bactérie mangeuse de chaise. Fait qu'une fois, en ondes, je parlais de la bactérie, puis c'était très sérieux, quelqu'un était mort, puis j'ai failli dire la bactérie mangeuse de chaise. Puis là, ben, je me suis tenu pour pas rire, mais bon. Parce qu'il y a une autre fois où j'ai carrément éclaté de rire, c'était dans les bloopers cette année-là. C'était un collègue, c'était le matin, puis à l'émission à RDI. Et juste avant qu'il entre en onde, je lui ai dit « Baisse donc ta chaise un petit peu parce que il était trop haut. » Alors là, il a pesé avec nos chaises hydrauliques. Là, il s'est ramassé avec comme le pupitre en dessous, quasiment en dessous du menton. Il était quasiment en dessous du bureau. Ça fait confortable. Je commence l'entrevue et là, j'ai eu le fou rire tout le long de l'entrevue. Même à un moment donné, j'ai dû dire « Écoutez, on va arrêter, on va faire une pause, puis on va revenir. » C'est comme ça qu'on gère ça. On n'a pas toujours le choix, mais là... Okay. Mais la meilleure façon, de toute façon, quand on a un fou rire comme ça, si c'est pas... si c'est faisable, on rit. On ne sortirait pas. Puis de passer à d'autres choses. J'ai déjà eu un fou rire, par exemple, en faisant de la nécrologie à Rimouski. Là, c'était... Oups. Oui, puis là, il y en avait... C'était à Rimouski, il n'y a pas de quotidien. Il y a le soleil, là, mais je veux dire, la nécrologie existe à la radio parce qu'il n'y a pas de quotidien. Que les gens ne vont pas ailleurs. C'est une émission très, très, très écoutée, la nécrologie, à 1h l'après-midi. Et là, ce matin-là, il y en avait pas mal épais. Et au lieu de dire « est décédé monsieur Tartampion et pou de feu, madame », j'ai dit « et fou de peu ». C'est pas drôle. Ouais, dans le contexte. Puis après ça, j'ai continué à lire mes feuilles comme ça, puis j'avais plus de souffle, puis j'étais plus capable de respirer, puis j'ai... On appelle ça une contre-pétrie quand on, permute des syllabes comme ça. Mais les gens s'étaient plaints à part de ça. Ah oui? Les pompes funèbres écoutaient ça avec beaucoup d'attention, puis quand il y avait une erreur, j'avoue. C'est précieux, hein? Tout à fait. Bien d'accord avec ça. En tout cas, ça en est des belles, ça. Pareil. Hey, moi, je me demandais, Philippe, c'est quel l'endroit le plus inusité dans lequel tu as fait un pique-nique? J'en ai fait un sur un bateau sur la Manche entre la France puis l'Angleterre. On avait acheté des fromages la veille, on avait mangé. C'était un voyage en Europe, puis on prenait l'avion à Londres. On avait fait ça, on avait mangé des fromages la veille, on les avait apportés sur le bateau, mais c'était des fromages français qui sentent vraiment qu'ils puaient beaucoup, beaucoup. Alors, ça allait dans un parc, tu comprends, ça dérangeait personne, mais sur un bateau, les gens se retournaient, puis le steak était très, très, très bon, il coulait, là, il était chaud. Un peu les fromages corses, comme dans Astérix sur les Corses. Je pensais à ça en ouvrant les fromages, parce qu'il y avait déjà passé comme 2-3 heures dans l'auto le temps qu'on se rende. Dans le bateau, il était encore enfermé. Puis quand on les a ouverts, ils ont laissé. Vous avez lu Astérix sur l'écorce? Oui. C'est lequel votre préféré de Des moi, Astérix, j'aimais votre bien, personnage j'aimais bien Astérix, j'aimais bien le tour de Gaulle. Parce... Ouais, c'est solide. Parce que là, ça. On faisait du. Moi, je l'ai fait. On faisait le... T'as fait le tour de Gaulle aussi? Ben, pseudo. Ouais, on est passé par Lyon, Bordeaux, Toulouse. Et j'aimais Paris. Ça parce que c'était un voyage, puis on découvrait des. Ouais, c'est vrai. C'était bien présenté aussi. J'ai bien aimé Astérix et Cléopâtre aussi, mais le film en particulier, pas la, ouais. Quoi, la bande dessinée, ouais, ouais. Le nouveau film. Mmh. Ouais, c'est vieux, ça. Ça date non, de 60. Non, il y en a deux. Le film, oh, c'est le avec, vrai film. Le vrai film avec, okay. Gérard, c'est Gérard Depardieu qui faisait Obélix. Oui, il était Obélix. Oh boy, ouais, il paraît que c'est le rôle le plus intense qu'il a dû faire parce que c'est, il dit dans, se mettre dans la tête de quelqu'un comme Obélix, c'est pas évident, ça prend un gros cerveau, mais ça doit pas être facile. Mais j'aime bien Obélix. Tu me demandes quel est mon personnage préféré, je trouve qu'il est sympathique et j'aime sa candeur. Définitivement. Il n'est pas méchant. D'accord non, avec ça. Il n'y a pas d'idée derrière la tête. Contrairement à cet automatique, c'est le vilain qui tape sur la tête de, du barbe. Assurance Touriste. C'est qu'on est en train de s'en aller. J'ai des comptes à régler avec cet automatique. Non, puis Astérix, il peut être fendant des fois aussi parce qu'il est toujours parfait. Ouais. Alors qu'Obélix, c'est une bonne pâte. Ah, il est dit. Ouais. Des fois, il tombe dans la boisson, puis il se laisse aller, puis il est. Je pense qu'il sait bien, mais il n'est pas parfait. Farpètement. Farpètement. C'est lui. Farpètement. C'est de la contre. Ça, c'est dans lequel, ça? Ça, c'est dans les Bretons. Oui, il s'en va à Londres. À Londres, c'est ça. Oui, il est sous. Hey, on va écouter du Kate et Anna McGarrigle, je pense. Là, moi, ici, j'ai un album avec 14 tunes dessus, puis c'est toutes des affaires de Noël. Fait que je me dis, on arrive à Saint-Jean, c'est en plein temps. Je connais pas les disques de Noël des Sarah McGarrigle. Ouais, mais attends un peu. Il y a celle... Moi, celle que... J'ai beaucoup de respect pour ce qu'elles font, là, mais... Moi, entre la jeunesse et la sagesse, là, il y a un arrêt de métro. Ça, quand ça joue à la radio, je ferme la radio. Bon, ben, on l'a ici. On va écouter Entre la jeunesse et la sagesse des sœurs McGarrigle à 70%. On vous revient pour d'autres questions très pertinentes. Merci beaucoup, Philippe. Puis, Simon, là, je ne pas ton sourire. Comment je ferme ça, les écouteurs? Non, c'est la switch, là. Doucement les entre la jeunesse et la sagesse, au dépanneur, il y a des photos de Brigitte Bardot. Oui, c'est... ça a été populaire à une certaine époque, mais moi, moi, c'est le genre de chanson qui me reste dans la tête ensuite. À une certaine époque, l'époque qu'on appelle les années folles? Oh, non, c'est pas si vieux que ça. Non. Mais comme je disais tout à l'heure, le fils des sœurs McGarrigle a fait quand même de la bonne musique. Ouais. Moi, c'est bon, mais oui, tu m'avais dit que toi, t'aimais bien là, en ce moment, puis c'est pas... c'est-à-dire que j'ai ces disques, j'ai downloadé le dernier. J'avais jamais fait ça, de downloader sur iTunes. Mm-hmm. D'habitude, je cours au magasin, puis là, je me dis, tiens, je vais essayer de le downloader sur iTunes. Puis ça m'a pris 5 minutes, puis j'avais le disque à la maison. Ouais. Mais je trouve que c'est... On n'a pas la pochette, on n'a pas le... c'est un peu chenu, on met ça sur... Surtout les beaux boîtiers. Il y a des efforts qui sont faits maintenant. Ceux qui sont faits en carton, puis tu sais, c'est comme ondulé, là, un peu comme les cartes d'affaires, que c'est tactile, tu touches, puis c'est... Il y a des efforts qui sont faits maintenant pour que ce soit intéressant à regarder aussi. Alors, c'est tout à fait. Ça coûte quelques dollars de moins de le prendre, de le télécharger. Et puis c'est plus rapide. C'est plus rapide. Quand on le veut tout de suite, on va le chercher, mais on l'a, n'importe quelle heure. Question comme ça, t'as payé ça comment, un album sur Internet? 9,99. Oh boy, ça avait de l'allure, Puis c'est un artiste de la relève en plus, donc on peut downloader et aider la relève. Ben, la relève, commence à être pas mal bien coté pour quelqu'un de la relève. Là. Ouais, c'est quoi, c'est son 3-4e album? 3-4e, puis il remplit ses salles à travers le monde. Fait qu'on va y laisser le... Je pense qu'il va... Il réussit bien, vu qu'il doit estimer que la relève est derrière lui. Ouais, ben voilà. Ou devant lui, en fait. Bon, ben ça veut dire qu'on... Oui, je suis d'accord. Mais nous, on est rendu à notre 75e émission et puis on est écouté de par le monde également. C'est vrai. Alors, c'est tout. On en a 5 de trop. Hein. T'es-tu sérieux? Ben, ça ferait 70 émissions. On aurait pu le noter à 70. On aurait pu couper là, puis s'appeler 71, puis 72. On aurait pu. Ouais. Tammy, j'avais une super nouvelle, mais habituellement, quand je fais ça, je reviens d'un extrait. Est-ce que t'as des extraits à nous faire écouter? Oui, effectivement. Là, je vais cliquer ici. Ce qui est beau, c'est que j'ai trouvé sur Internet la séquence qui s'en vient. Ça vient d'un jeu français, genre... tu sais, poser des questions, là, « Who wants to be a millionaire? » Oui. Et puis là, ben, vous allez voir quelqu'un qui... J'ai après ça... jeu questionnaire avec un abruti. Fait que ça, je pense que je le connais, celui-là. Moi. Ah, okay. Ah ouais? Ben vas-y, je vais te dire. Bon, on va partir, ça, on vous revient. Ah ben là, il faut qu'il parte. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? La Lune. Le Soleil. Mars. Vénus. Alors... Il faut y voir le visage quand il cherche. Ah oui, c'est sur YouTube. Effectivement. Prenez votre temps et s'il y avait un doute. J'ai tapé gros cave, puis ça m'a amené. C'est comme si tu tapes Miserable Failure, tu tombes sur le George Bush, puis mouton insignifiant dans Google, tu tombes direct sur Jean Charest. Public. D'accord, public à votre télécommande, s'il vous plaît. Là, il y a besoin d'aide. Pour aider Henri répondre à cette question, si vous savez, vous prenez la télécommande, si vous ne savez pas, vous allez vous abstenir. Qu'est-ce qui gravite autour de la Terre? A, la Lune, B, le Soleil, C, Mars, D, Vénus. C'est maintenant qu'il faut voter, merci. Là, on s'attendrait à ce que le public dise la bonne réponse du premier coup en majorité. Ben oui, mais attention. 56% pensent que le soleil gravite autour de la Terre. 42% pensent que la Lune. La majorité pense que c'est le soleil. Il y a encore des gens qui pensent que le soleil est vivant. Oui, tu es analyste aux élections, là où la masse vote. Moi, je l'ai passé dans les jours avant les élections présidentielles sur le site web. Oui, c'est très partagé. Puis, j'ai dit, c'est eux autres qui vont voter aux élections dimanche. Mars, non, c'est sûr. Vénus, non. C'est sûr que c'est un... Mais ce qui était surprenant, c'est que le public le sache. C'est le concurrent, on peut toujours s'imaginer que le stress fait qu'il... Il pense pas. Ouais, c'est ça, il y a tellement d'affaires. Là, il a choisi B. Le soleil. Il a choisi le soleil. Gravite. C'est votre dernier mot. En classe alimentaire. Mais c'est d'y voir le visage à part ça. Là. Il cherche. Puis il cherche. De toute beauté. passer. Hein? C'est pas pire parce que notre invité était déjà au courant. Ouais. Je veux dire, on a pu partager sur la chose. Puis il en a même profité pour rajouter des anecdotes. T'es vraiment à la bonne place ce soir, je pense, Philippe Schnob, à 70%. Les astres étaient bien alignés. Et voilà! C'est ça. T'en veux-tu une bonne, Tommy? Ben, vas-y, mon gars. Celle-là avec, c'est pas mal dans le débile mental, là. Allons-y. Alors, deux Américains sont en prison depuis lundi et pour plus de 2 ans pour avoir servi de la bière aux invités de leur fils qui fêtait ses 16 ans, selon des sources judiciaires. N'est-ce pas? En Virginie, comme dans nombre d'États américains, on peut conduire à 15 ans et 6 mois, on peut voter, acheter une arme ou s'engager dans l'armée à 18 ans, mais il faut attendre 21 ans pour avoir le droit de boire de l'alcool. Donc, le 16 août 2002, une trentaine d'adolescents âgés de 12 à 18 ans ont participé à la fête d'anniversaire de Ryan. Au domicile, sous la surveillance de ses parents, Eliza Kelly et George Robinson, okay, les deux étant âgés respectivement de 42 et 52 ans. Et ça, ça s'est passé dans les hauteurs de Charlottesville, en Virginie. Alors, redoutant que les invités ne boivent en cachette, les parents avaient acheté pour 350$ de bière et autres boissons alcoolisées, tout en prévoyant que les invités passent toute la nuit sur place et en récupérant même une demi-douzaine de clés de voiture pour éviter tout risque d'accident. Les parents ont été dénoncés et la police a mis fin à la fête vers 23h. Le couple a été arrêté et condamné à 6 mois de prison pour chacun des 9 adolescents sur lequel un niveau mesurable d'alcoolémie avait été relevé. Au total, chacun des parents a donc été condamné à 2 ans de prison. À 4 ans et 6 mois de prison, dont la moitié avec sursis. Les parents, aujourd'hui divorcés, ont saisi un à un tous les échelons de la justice américaine pour tenter d'éviter la prison. Mais la décision a été confirmée à chaque fois. Et le 21 mai dernier, la Cour suprême américaine a refusé de se saisir de l'affaire, rendant la peine définitive. Ah, ben, ils sont en prison et les enfants sont seuls à la maison avec les clés du bar, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup mieux pour la santé. Ouais. Puis je veux dire, ils ont été irresponsables, ils ont pris des clés, ils se sont assurés que ce soit supervisé. Ouais, mais la loi, c'est la loi. 4 ans et demi en prison, Colin. Ils vont pogner d'autres bonnes idées la prochaine fois. Est-ce que je peux poser une question à notre invité? Bien sûr, Tommy. Hey, moi, je me demande, là, est-ce que tous les journalistes télévisiens soignent leur haleine? Parce qu'on vous voit à la TV, mais on ne sait pas si ça sent bizarre ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est déjà arrivé de faire des entrevues avec des personnes qui ne soignaient pas leur haleine en se disant, de toute façon... Les invités ou les... Ben, n'importe qui. De toute façon, ça ne paraît pas à ben télévision. Ben oui, c'est ça, quelqu'un qui se dit ça. Ça m'a jamais frappé, mais il y a beaucoup de gens qui boivent beaucoup de café, puis on sait qu'à un moment donné, après un bout de temps dans la journée, si on a bu trop de café, on commence à sentir plus ou moins bon. Il y a de la gastricité qui embarque. Puis il y a moins de gens qui fument, hein, mais avant, là, le café-cigarette, ça donnait des haleines assez rapidement nauséabondes. Mais en général, en tout cas, moi, j'ai jamais remarqué un collègue qui, en tout cas en onde, qui avait mauvaise haleine. Bon, ben voilà, l'hygiène buccale des employés de Radio-Canada est pour l'instant irréprochable. On peut se brosser les dents au bureau. On a même dans chaque salle de bain un petit diagramme qui nous explique comment se laver les mains. Ben ça, c'est bien. À l'ETS, il y en a un pour comment se laver les pieds. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça rapporte aux accommodements raisonnables. Puis moi, je viens vert à chaque fois qu'on parle de ça. Fait que pourquoi j'ai encore introduit ce sujet d'abord? Ben, je sais pas. Pose une question. Oui, je veux savoir, vous savez, vous savez, le mythe là, des vêtements pour membres inférieurs du corps humain, n'est-ce pas, porté par des lecteurs de nouvelles, ceux qui font contraste avec le veston. Tu sais, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps la blague, celui qui lit les nouvelles, il est bien habillé, puis il se lève, puis on se rend compte qu'il est en short en dessus. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, qu'il y a eu un contraste comme ça? Jamais. Jamais? Non, parce que pour moi, ça va de soi. Quand on fait ça, on le fait des pieds à la tête. Toute la gang. J'ai déjà vu Stéphane Bureau en culotte courte. Stéphane trouvait qu'il faisait chaud dans son studio. Et un soir d'été, il y avait eu des culottes courtes. Personne ne l'avait vu en onde, mais moi j'ai non, jamais. Non? Jamais. Ouais, c'est une belle anecdote, ça aussi. Ben oui, j'avoue, on peut imaginer ce qu'on veut. D'ailleurs, j'ai invité Stéphane Bureau à venir nous expliquer l'art de l'entrevue. Oh. Et puis, j'ai pas une nouvelle encore, mais bon, c'est un excellent journaliste. Tout à fait. Oui, oui, oui. Puis, il aimait beaucoup ce métier-là, puis il pouvait se permettre quelques excentricités comme ça. Tout à fait. Ça n'affectait pas du tout sa façon de lire les nouvelles, évidemment. Bien d'accord avec ça. D'ailleurs, je voulais savoir, avez-vous des bonnes anecdotes à nous raconter? Sur votre travail? Des bonnes anecdotes? Un invité particulier ou capricieux, quelque chose sujet, comme ça? couvert qui était complètement tordu. Un lunch qui a pas digéré et puis qui a rendu. Mais j'ai déjà, je peux dire qu'à un moment donné, on, pendant une campagne électorale, on était dans une campagne électorale municipale, on fait le tour de la ville puis de tous les dîners de chambre de commerce avec les candidats. Puis à un moment donné, il y en avait un candidat qui avait décidé qu'on était invité à couvrir le lunch de la chambre de commerce, mais qu'on n'avait pas le droit de manger. Ouais, il voulait pas nous payer okay. à manger. Bon, mais j'ai dit, c'est parce que là, c'est l'heure de dîner. Alors, on s'était entendu, tous les collègues qui couvraient, on était prêts à appeler chez Saint-Hubert pour se faire venir du poulet ouais. pendant le dîner. Fait qu'on dit, on s'excuse, mais c'est ça qu'on va faire. Ils ont fini par nous servir à manger. Ouais, voyons. C'était pas pour avoir un lunch gratuit, c'était pas ça, mais on est là. J'ai déjà, dans un dîner de chambre de commerce aussi, ici en ville, même chose, il ne servait pas à manger, mais je me suis fâché. Je suis allé chercher chez McDo. Je suis allé m'acheter du McDo pour manger du McDo à table, alors que tout le monde autour mangeait des affaires. C'est excellent. Mais du McDo, moi, je trouve que ça console du McDo. Ouais, mais dans ce cas-là, c'était aussi pour marquer. J'aurais pas me chercher n'importe quoi, là, mais j'avais fait exprès d'aller me chercher du McDo parce que ça sent le McDo. Hein. Il y a une odeur particulière au McDo. Ça sent de loin. Là, vous êtes entendu entre collègues, puis évidemment, de stations. De stations différentes, rivales. Oui. Et puis, est-ce qu'il y a une rivalité ou il y a un partage d'informations qui se fait? Comment ça marche, la dynamique? Quand on est dans le même beat, dans le même sujet, là, quand on couvre l'hôtel de ville, où mes collègues qui sont au palais de justice, souvent, on passe le plus clair de notre temps avec des gens des stations concurrentes, hein, plus qu'avec nos collègues au bureau. Alors, ils se créent des amitiés. Il y a des gens avec qui j'ai couvert l'hôtel de ville. On se voit encore, même s'ils sont rendus beaucoup ailleurs. On partage certaines informations, mais quand on a un scoop, là, c'est sûr qu'on le garde pour soi, puis on le donne pas avant. Mais pour certaines choses, genre la conférence de presse va être à telle heure ou genre de petites affaires-là, on le partage. Ou parfois, parce qu'on sait que si on est tout seul à faire un scrum, donc un scrum, c'est quand on est tous les journalistes autour du politicien et qu'on crie nos questions tout en même temps. Des fois, on se dit que ça serait plus efficace si on était nombreux. Ben là, on va prévenir les autres que telle chose va se produire à telle heure. Si on veut être tout seul, on ne le dit pas, mais des fois, on sait que... Ouais, le groupe sortir du jeu un petit peu plus. Dans des scrums comme ça, effectivement, ou même dans certaines conférences de presse, mais plus dans les scrums, si on a une certaine entente entre nous et qu'on sait ce qu'on veut absolument faire sortir du point de presse, ben, toutes nos questions vont aller dans la même direction, puis tout le monde tire dans la même direction, puis plus facile que si tout le monde fait sa petite chose de son côté, puis ça devient très facile pour le politicien de choisir la question à laquelle il va donner une réponse. Si on pose des questions sur quatre sujets en même temps. Mais si on s'entend, puis dit c'est ça qu'on veut faire sortir, puis que là, on talonne et on tape toujours sur le même clou, il y a une certaine... collaboration dans ces moments-là. Oui, je vois. Qu'est-ce que je l'ai posé? Qu'est-ce que j'allais dire? Moi, je me demandais si tu avais un acteur de film d'arts martiaux préféré. Ça, c'est comme les sœurs McGarrigle. Quand il y a un film d'arts martiaux, je change de poste. Ah ouais? Ah oui, même des ninjas? Ça m'a jamais, attiré. Ton film préféré? Mon film préféré dans toute l'histoire du cinéma, là. Il y a un film que j'ai vu... plusieurs fois, c'est Once Upon a Time in America, un film de Sergio Leone. Bon, on a tout vu. Je l'ai vu, revu, j'ai vu la version, il y a une version de 6 heures. Extended, c'est celle-là qu'on a vu. J'ai vu ça, et à chaque fois, à la dernière scène du film, il est couché, il est dans une fumerie d'opium et il sourit. Oui. À chaque fois, je dis pourquoi il sourit. C'est-tu parce que tout ce qui vient de se passer, il l'a imaginé? C'est-tu parce que, dans le fond, il est content que son ami soit mort? Ouais. À chaque fois, j'attends ce moment-là en me disant, je sais qu'il va sourire, il va sourire, il va sourire, ça finit de même, il va sourire. Et à chaque fois, je dis, ben là, cette fois-ci, je vais essayer de comprendre dans tout ce qui précède, ce qui pourrait me donner la réponse à la question, pourquoi il sourit. Et puis, je ne sais toujours pas pourquoi il sourit. Léoné est mort, fait qu'on n'en veut pas la suite. Oui, mais pas Robert De Niro. Lui doit savoir pourquoi il sourit. Sinon, on peut aller googler ça. Il y a des gens qui ont des analyses. Why is Robert De Niro smiling? On pourrait inviter Robert De Niro pour lui demander en personne. Mais s'il vient de faire un tournage à Montréal, je pourrais m'arranger. Je connais quelqu'un. Je vais trouver quelqu'un qui le connaît. Ah, ben, c'est prestige. J'ai une question, M. De Niro. Pourquoi vous souriez à la fin du film? Oui, mais en effet, j'ai invité son équipe. l'équivalent russe non syndiqué et sous-payé, c'est Robert Denirov, mais on n'a plus de réponse encore. On ne sait pas encore. Mais c'est-tu mon film préféré? C'est un film que j'ai vu, c'est le film que j'ai vu le plus souvent. Mais j'aime bien ce genre de film-là. Moi, j'aimais beaucoup aller voir des films comme ça, le 1900, je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça dure. Ah, là, avec le pianiste? Ça, non, pas... ouais, mais il y a un film la qui s'appelle comme de ça. 1900, mais 1900, c'est un film avec encore là Robert De Niro, mais là, qui commence sa carrière, puis Gérard Depardieu qui commence sa carrière. Ça se passe au début, en 1900, ça commence en 1900, puis ça se passe sur tout le siècle, puis ça finit dans les années 70 en Italie, puis c'est toute l'histoire de la montée du fascisme, les deux guerres, la montée du fascisme. Tout ça vu par les yeux de la même famille, puis donc tu vois les enfants grandir, les enfants des enfants. C'est une grande fresque. C'est un très bon film. Bon, ben 1900. 1900. Suggestion de Philippe Schnopp. Je me souviens plus qui a fait ça, là, mais bon. C'est avec Robert De Niro, puis Gérard Depardieu. Ils vont le retrouver sur le père de, dans 24, là, c'est... 24, vous regardez Dennis pas ça? Dennis Hopper? Non. Tu regardais pas ça, 24? Non. Là, ben, 24 heures chrono. Hein? Chrono là. Oui. C'est quoi le comédien qui joue Jack Bauer? Donald Sutherland, okay, le père. C'est son père, c'est le père Donald. C'est Donald Sutherland qui joue là-dedans aussi. Lui, il fait le fasciste. Ben, un des fascistes. Oui, il y a une phase de tête dure, lui. Hein, c'est très violent comme film. Pendant que Tommy trouve peut-être des extraits éventuels. Ben, j'ai une petite tune. On va aller écouter une petite tune après. Moi, j'ai une question. Ça vient de où, Schnob? Schnob, ça, c'est un nom allemand. Okay. Le premier Schnob est arrivé en 1776. Ah, du sprach nicht Deutsch. Ein bisschen, aber nicht, je ne sais pas, pas beaucoup, pas assez pour faire de la conversation. Très bien, moi non plus. Mais on l'a découvert parce que quelqu'un a fait des recherches. Il s'appelait Schnabel, qui s'appelait Konrad Schnabel. Il venait de la région du Hesse. C'est près de, si je me souviens bien, là, c'est près de, pas Strasbourg, voyons, c'est pas Stuttgart? Non, pas Stuttgart, ben, un petit peu au nord de Stuttgart. Et c'était un mercenaire, il était venu se battre avec les Anglais contre les Américains. Donc, la généalogie a permis de retrouver même, savoir sur quel bateau il est arrivé, puis quel jour, puis tout ça, il est venu avec sa femme. Alors, vous êtes royaliste? Ça remonte à 200 ans. Non, il n'était pas du tout. Il était mercenaire. Ouais, il serait venu se battre avec les Américains contre les Anglais si ça avait payé plus cher. Alors, c'était pas du tout... Oui, je comprends. C'était pas du tout quelque chose de fondamentalement... il n'était pas motivé par ses opinions. Là. Il venait se battre, puis ça lui a permis de venir au Canada. Un peu comme nos mercenaires du hockey professionnel. Effectivement, c'est Bill Guérin qui est allé faire aucun but avec... Il était payé moins cher dans ce temps-là, je pense. Oui, c'est fort passé. Les conditions de travail n'étaient pas les mêmes. Il n'y avait pas de syndicat dans le temps. Bon, ben, je prends le contrôle. On va écouter Black Sabbath et Paranoid. En revenant, c'est quoi? On fait-tu notre petit concours de lecture de nouvelles? Je voulais, c'était une surprise, mais bon, allez, on... Il a vendu le punch. On fait ça. OK. Hein, quoi? Après la fin du générique des Gobos, on a quelques séquences ici tirées du Phoenix d'or. Nos services de sécurité ont toutes les consignes. Qui apporte les œuvres du Liban? Marc Assante va accompagner le trésor lui-même. Assante. Qui a eu l'idée de le demander? Le professeur Hamid. Il est persuadé qu'il est l'homme de la situation. Oui. Je n'ai aucune confiance en ce salopard-là. Assante a une réputation sans tache. Avec lui, on ne sait jamais comment ça va se passer. Avec lui, les règles ne sont jamais respectées. C'est ce qui m'inquiète. Vous en faites pas. Pourquoi vous ne l'avez pas tué? Tué qui? Assante, imbécile. Qui d'autre? On l'a vu aujourd'hui à la course automobile. Mais j'allais quand même pas lui tirer dans le dos. Pauvre idiot! Assante peut tout foutre en l'air. Quand je vous donne un ordre, je veux qu'il soit exécuté à la lettre. Je vais aller le tuer maintenant. Non. C'est trop tard. On trouvera un autre moment. C'était trop tard. Je veux dire, il pouvait le tuer avant, mais là c'était trop tard. Oui. Là, il était rendu trop tard. C'est un tueur à gage, mais il pouvait pas y tirer dans le dos. Non, parce que c'était trop tard. Et voilà, le Phoenix d'or, j'en parle rapidement. Est-ce qu'on a notre concours juste après, pendant que vous vous installez? On verra bien. OK, c'est toi qui as ça en ligne. Ben, je vais juste lire rapidement le générique ici. Je vais montrer aussi à notre invité le cover du Phoenix d'or, sur le dessus duquel on voit Jalal Meri, un acteur canado-libanais. Qui fait une savate. C'est ça, OK. En parlant d'arts martiaux. Ouais, c'est ça, ouais. C'est une traduction, ça, là, c'est pas. Oui. C'était traduit. C'était pas doublé ici, au Québec, là. Non. C'était encore dans le temps que les doublages se faisaient pas avec Bernard Fortin et Yves Corbeil. Donc, je fais ça vite. Une relique archéologique légendaire contient la clé d'un trésor prodigieux ou d'une mort atroce. Dans ce suspense renversant, mêlant habilement une intrigue internationale captivante et des scènes d'arts martiaux foudroyantes. Captivantes. Ouais, c'est ça. L'étourdissant maître d'arts martiaux, Jalal Meru, joue le rôle de Marc Assante, un ex-agent de la CIA faussement accusé d'avoir subtilisé le Phoenix d'or, un pendentif ancien d'une valeur inestimable. Après une évasion spectaculaire, il tente de prouver son innocence et c'est à la force de ses points dévastateurs qu'il se retrouve dans les ruelles funestes et exotiques de la ville de Beyrouth, ravagée par la guerre. Pouf! Il remonte lentement à la filière meurtrière du pendentif jusqu'à une véritable montagne d'or enfouie, le mythique trésor perdu de l'Empire ottoman, mais un tel butin ne manque pas d'ameuter des chacals de l'argent et Assante livre bientôt une lutte féroce aux bandits internationaux. C'est assez, là. Ça vaut au moins 6 à peu près. J'étais rendu à moitié du descriptif. Ça coûte quoi, 50 sous dans une vente de garage? Lui, en fait, je l'ai payé 4$ parce que c'est Jalal Meri, puis Jalal Meri, c'est une pointure. Quand on parle de films douteux, là, Jalal Meri, il en a fait, il en a produit, il en a réalisé, il en a coordonné, chorégraphié, puis tout. Là, Jalal Meri, blindé. D'accord. Voilà. C'est noté. Hey, c'est quoi qu'on fait, là, Simon? On demande à Philippe Schnob s'il veut nous faire un bel indicatif. Ah oui. Ah bon? Ben oui. Comme ça, là, now? Oh, yes. Ouais, live. Qu'est-ce que je dis, là? Je dis, vous écoutez... Laisse parler ton cœur. Oui, ouais. Rappelez-moi le titre de l'émission. 70%. Ouais. Ben, c'est bon de même. Non, mais c'est plus moi de le demander avant. Ben bien. Oui. Alors, un indicatif. Alors, vous écoutez 70%, ici Philippe Schnob. Non, c'est pas bon, ça. Attends, bon, on peut le reprendre. On peut le reprendre, hein. Mais on va garder celui-là, mais on peut faire à croire. OK. Ben, ici Philippe Schnob, ça m'a fait plaisir de participer à 70% et sachant qu'on peut le réécouter et écouter aussi sur Internet, ben, ça me fera plaisir d'aller jeter une oreille à l'occasion. Excellent! Merci. Ça n'est un blindé, ça. Hey, moi aussi, j'ai une autre super question. Hein. Ça doit être une thématique qui revient souvent entre présentateurs de nouvelles et lecteurs de nouvelles à la télé, mais est-ce que vous avez un truc pour garder les dents blanches entre vous? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulièrement... On a de bonnes assurances dentaires maintenant. Ah. On a eu ça dans notre dernière... Quand on a eu un conflit, on était en lock-out pendant 3 mois. Là. OK. À l'issue de ça, on avait gagné une chose parmi d'autres, c'est-à-dire un plan dentaire qui nous coûte l'équivalent de à peu près 800 $ par année parce qu'on a renoncé à 1% d'augmentation de salaire pour financer le plan dentaire. Okay. Et pour certaines personnes qui ont des familles, ça va, là, mais moi, ça me coûte plus... J'ai renoncé à plus d'augmentation de salaire que ce que ça me coûte de dentiste. Pour le mais on l'a fait en se disant, pour ceux donc, qui ont des familles et qui ont des enfants. C'est un acquis social, on s'entend. Ils sont de plus en plus... moi, je suis allé chez le dentiste, puis pour, après ça, pour me rendre compte qu'il avait décidé qu'il payait aux 9 mois au lieu de... d'aux 6 mois, alors j'ai été obligé de payer mon examen. Alors, bon. On essaie de se garder les dents blanches. Ouais, là, il faut ça. Ça peut être pratique pour ceux qui vont interviewer le père de Vincent Lacroix, apparemment, qui file un mauvais avec, coton. Son on est super triste pour condamné lui, pour l'affaire. Écoutez, monsieur Schnab, comme vous avez vu, j'aime beaucoup lire des nouvelles, puis vous faites ça depuis longtemps. Moi, je me trouve quand même pas pire. Fait que je me suis dit qu'on pourrait peut-être se mesurer. Ça pourrait peut-être être une bonne idée. Fait que je sais pas, j'en ai une ici au hasard que je prends vraiment au hasard. Au hasard, je vois à ça. Tout là, hasard oui. Comme ça. J'ai une nouvelle ici. C'est concernant la découverte d'un médicament. Vous pouvez me lire ça et puis. Comme ça, la première vue, là. Tout ça à fait. C'est un mot compliqué. Allez-y, on va voir. Allez-y sérieusement. Je peux-tu au moins prendre 2 secondes pour la. Sans problème. Oui, moi, je peux faire celle-là. C'est... Je vais le lire comme je l'aurais lu à en télévision. Londres, parce que ça arrive des fois qu'on a des choses comme ça avec des noms qui, à première vue, ne se prononcent pas. Alors, c'est dans le canton suisse de Schaffhausen, au château de Neuschwanstein, que la compagnie Roche a développé un produit permettant de guérir une maladie communément appelée l'âme. Alors là, vous ne le voyez pas, là, mais j'ai pas lu les mots compliqués. Ouais. C'est l'équipe de 2 chercheurs qui a réalisé cette poussée, parce que là, les 2 chercheurs s'appellent les professeurs Georges Venceslas. Ben ça, Venceslas, c'est pas si pire. Von Knobendorf et Denise. Elle, non. Non, ça irait pas. Qui a réalisé cette poussée en isolant par électrophorèse des protéines une molécule de tétraméthyl diparadis. Ça rentrerait même pas sur une ligne de télésouffleur, ça. Là. C'est pas ça. Ce transporteur lysomal d'acide aminé permettra de traiter les quelques milliers de femmes dans le monde qui en sont atteintes. Et alors là, je sais même plus de quoi je parle parce que c'est trop compliqué. Sa fréquence est estimée à seulement 2,6 cas par million, etc. Je pense que ça se rendrait pas en onde, mais ça peut arriver des fois que des mots compliqués comme ça se retrouvent au télésouffleur. Oui, pour moi, ben, comme le premier ministre, ouais. Le président iranien, là, Mahmoud Ahmadinejad, les premières fois, là, après un bout de temps, ça devient comme une musique, là, Ahmadinejad. Ouais. On ne le voit plus, mais les premières fois, là, ouais. Je disais, le président iranien. Ah, aujourd'hui, tu sais, ouais. Je sautais le nom parce que plutôt que de buter dessus, je me disais c'est mieux de vous pratiquer avant de le dire en nom. Quand vous avez lu Astérix et les Corses, est-ce que vous sautiez au Catarineta Bella Chichix? Non, mais je le lisais dans ma tête sans nécessairement le prononcer. Ah, c'est comme dans oui. Les pièces russes, ça, il y a des noms. Okay. On a pris une nouvelle, justement. Tu ne lis pas, toi? Oui, ben oui. Justement, je vais okay. Le faire. Mais ça, j'ai pris ça parce qu'il y a plein de mots allemands dedans. C'est pour faire honneur à vos racines. Je pensais que ça allait faciliter la chose. Mais bon, moi, je vais y aller. C'est ça. Ah, oui. Vas-y. C'est quoi déjà les trucs là, pour pas rire ben, en onde? Pour pas rire en onde, faut rire pour vrai. Faut dire voici, c'est drôle, je ris, d'accord? Et on passe à autre chose. OK. Donc, c'est dans le, un nouveau médicament de la compagnie suisse Roche. C'est dans le canton suisse de Schaffhausen, au château de Neuschwanstein, que la compagnie Roche a développé un produit permettant de guérir le Didymus faerea Arctostaphylie oregonensis, maladie communément appelée lymphangioleiomyose myomatose, le LAM. C'est l'équipe des professeurs George Venceslau von Knobelsdorf et Denise Chaglogowski qui a réalisé cette poussée en isolant par électrosphorèse des protéines d'une molécule, la tétraméthyldiparadiaminobenzophénol. Ce transporteur lysosomal d'acide aminé permettra de traiter les quelques milliers de femmes dans le monde qui en sont atteintes. Sa fréquence est estimée à seulement 2,6 cas par million. Le premier cas recensé remonte à 1886 dans le canton de Schloss Eggenberg-Hopfen-König. Christine Saint-Pierre a plus de détails. Christine? Ben oui, avez-vous des applaudissements en boîte pour ça? Parce que j'imagine que tu l'avais, tu as passé 2 jours à le répéter. Mais... Je suis revenu chez mon papa hier et puis après une coupe de bouteille de vin, j'ai eu votre email qui disait que vous veniez. Alors je me suis dit, je vais aller faire du copy-paste avec des mots compliqués sur Internet. Et voilà. Et ce qui nous donne un gagnant, mais bravo. Parce que... Non, mais même si on s'est pratiqué d'avance, c'est pas évident à lire. Ça, qui vient de broyer du talon, Philippe Schnob ici, reporter national. Je m'incline, C'est correct. C'est n'importe quoi. Bon, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir un plan dentaire. Bon, alors... voilà, mais ça s'en vient. It's on the way. Bon, hey, on est déjà presque rendu à la fin. Hein. Ça passe vite. Peut-être, je sais pas, as-tu une dernière question, Simon? Ben, on peut peut-être faire le tour de la question parce que, comme vous savez, ici, on fait en quelque sorte un travail de journalisme. Alors, il y a des questions qu'on doit poser pour faire le tour de la question. Alors, qui est Philippe Schnob? Un journaliste qui travaille à Radio-Canada depuis une vingtaine d'années et qui va être là encore un bout de temps, j'espère. OK, j'essaie pas de prendre votre place, on ne faut pas l'avoir pris comme non, ça. Non, c'est correct. Moi-même, j'arrive pas à prendre la mienne, alors on va essayer de la prendre. c'est bien, ça, c'est bien répondu. Bon, Tommy, c'est quoi déjà les autres questions pour faire le tour de la question? Où est Philippe Schnob? Ouais. En ce moment, ici... Ah, okay. À Choc FM, oui, où on va écouter bientôt La chasse à l'homme avec Billy Drago sur un écran géant avec projecteur. Un autre film pas bon? C'est très mauvais, c'est moins 8. Ah, ouais? Ah oui? Oui. Pourquoi Philippe Schnob? Ah ben parce que il fallait bien décider de l'assumer jusqu'au bout et plutôt que de rester enfermé à pousser des crayons, on s'est dit qu'il fallait parler. C'est ça une attitude de champion. Ah ben oui, hein? Ben quand Philippe Schnob? Quand? Ah, ça doit faire au moins 25 ans le jour où il a décidé de faire sa valise puis de sacrer le camp de chez eux. Ah oui? Ouais. Oh, on sent le ressentiment envers... Non. Une décision un jour. Là. Ouais, ben c'est sûr qu'à un moment donné, il faut devenir adulte. Voler de ses propres ailes, quitter le nid familial pour prendre son envol. À 2h du matin avec une valise, mais... Oh, rock'n'roll! C'est une autre histoire. Ouais, c'est un peu voilà. Plus rock, en effet. Bon, ben, est-ce qu'on remercie sincèrement notre invité? Tout à fait. On est rendu à ce moment-là. Philippe Schnob, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Très sympathique de venir prendre une heure légère avec nous. Parler de tout et de rien. On a eu des belles anecdotes et on sait que maintenant, tous nos journalistes d'antenne nationale soigne leur hygiène. Buccal. Ouais, buccal, ben, leur main. Alors, là, je parle pas pour les Anglais, là. Je parle juste pour ceux que je connais. On sent, hein, il vient d'Ottawa, une espèce de rivalité. Je suis né à Ottawa, d'ailleurs. Ah oui? Oui. Toi aussi? Ben, félicitations. Mais... Non, moi, je suis né à Montréal. Ah, OK. T'es parti de... C'est une longue histoire. C'est ça, ça commence à être de plus en plus intéressant. On va revenir la semaine prochaine avec Sylvain Charron. C'est pas confirmé, mais il y a des foutues de bonnes chances qu'il soit là. Sinon, c'est peut-être Réjean Hull ou Guillaume Latendresse. Ouais. Qui, lui, on va y faire un beau scrum sur lui, là, puis ouais, je pense que les gars... Non, mais sûrement, tu sais, ils sont formés pour pas répondre aux questions, mais avec nous, on va le mettre à l'aise comme il faut. Voilà. Je vais mesurer à lui au concours de mise en échec. Ah, ben ça va être un peu plus difficile, peut-être. De faire ça dans le studio. Peut-être un échange de transactions avec Réjean Hull, mais... Wow, on va en reparler, en tout cas. Merci encore une fois, Philippe Schnob. Vous avez écouté 70%. À la prochaine, les amis. Bonjour. À se rendre auprès du roi et à lui offrir son bras, il serait Odi le petit si, Odi le petit si. Son cœur déjà appartient à la jolie chimère, mais il devait partir sans se soucier de cet amour. Make your budget.